Lost in Space, c'est l'heure du live et on va retrouver 10 hits, groupe anglais, on va dire, plutôt expérimental, enregistré aussi ici au London Clarendon Hotel le 1er août 1980. Paper.

Ce dialogue était destiné à vérifier ses connaissances générales et celles qui concernaient plus particulièrement sa mission. Ce soir-là, dans son luxueux appartement de la rue Blanche. Depuis le matin, un vent de révolte soufflait dans les bureaux de la maison Pérol et compagnie. We'll be right back. Pendant 3 semaines, l'état de Madame Talleyrac, atteinte d'une congestion pulmonaire, demeura très grave. Thank you. Norman demanda la vision télescopique à Karl, et il vit apparaître une pâle étoile. Rien qui pût indiquer qu'il s'agissait d'un astéroïde. L'image, même grossie au maximum, ne révélait qu'un point de lumière. « Réticule de visée ?» demanda Bauman. Immédiatement, quatre lignes apparurent autour de la minuscule étoile. The sky is torn across this ragged anniversary of two who moved for 3 years in tune. Then love lies and loss, and love and his patience roll on a chain, a chain. From every true or crane to caring clown, death strikes their house, death strikes their house, death strikes their house again. Too late, the wrong rain. They come together whom their love had parted, and the windows pour into their heart, and the doors burn in their brain. When they come together whom their love had parted, the windows and doors burn in their brain, burn in their brain, burn in their brain, burn in their brain. And love and his patience roar on a chain. From memory to or crater carrying cloud, death strikes their house, death strikes their house, death strikes their house, death strikes their. Thank you. if you got everything and you don't want no more. You've got to just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And some people say it's just rock and roll, oh, but it gets you right down to your soul. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky. Mais on voit qu'elle est consciente en même temps d'un tout encore assez obscur et d'un rien qui annonce la possibilité de sacrifice de l'homme à ce tout. Le révolté veut être tout, s'identifier totalement à ce bien dont il a soudain pris conscience et dont il veut qu'il soit, dans sa personne, reconnu et salué. Ou rien, c'est-à-dire se trouver définitivement déchu par la force qui le domine. À la limite, il accepte la déchéance dernière qui est la mort s'il doit être privé de cette consécration exclusive qu'il appellera par exemple sa liberté. Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. C'était bien la 20e fois de la journée que le brave Rissler disait qu'il était content et toujours du même air attendri et paisible, avec la même voix lente, sourde, profonde, cette voix qui étreint l'émotion et qui n'ose pas parler trop de peur de se briser tout à coup dans les larmes. Play the pirate and a papillon. Time to call it home. Whatever you do, don't close that gap. I'm dreaming of a woman, but she's just my nap. Your ship is in, waiting on the tide so I can swim. What you want? J'ai dessein de rapporter les rencontres singulières de ma vie. Il y en a de belles et d'étranges. En les remémorant, je doute moi-même si je n'ai pas rêvé. J'ai connu un kabbaliste gascon dont je ne puis dire qu'il était sage, car il périt malheureusement, mais qui me tint une nuit dans l'île aux cygnes, des discours sublimes que j'ai eu le bonheur de retenir et le soin de mettre par écrit. Ces discours avaient trait à la magie et aux sciences occultes dont on est aujourd'hui fort entêté. On ne parle que de Rose-Croix. Au reste, je ne me flatte pas de tirer grand honneur de ces révélations. Les uns diront que j'ai tout tenté et que ce n'est pas la vraie doctrine. Les autres que je n'ai dit que ce que tout le monde savait. J'avoue que je ne suis pas très instruit dans la cabale, mon maître ayant péri au début de mon initiation. Mais le peu que j'ai appris de son art me fait véhémentement soupçonner que tout en est illusion, abus et vanité. Suddenly free, but it- second son on the other line. Now back in our town is a castaway. Mon existence a été accidentée et la destinée y a fait entrer maintes aventures peu ordinaires. Mais parmi ces incidents, il en est un d'une étrangeté telle que quand je passe en revue ma vie, tous les autres deviennent insignifiants. Thank you.